بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلام عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، لونج الله سبحانه وتعالى qui nous a comblé de cette assise et en cette nuit du 12 Shaban 1441 qui correspond au 4 avril 2020 c'est notre deuxième assise autour du chapitre du jeûne dans le livre de Tanbih al-Afham بشرح عمدة الأحكام للشيخ العثيمين رحمة الله عليه. قال رحمه الله الحديث الرابع عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم بين الآذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. Et donc le quatrième, nous sommes dans le quatrième hadith du livre du jeûne, mais c'est le 177e hadith dans le livre de Umdat al-Ahkam, selon Anas ibn Malik, qui le tient du Zayd ibn Thabit, qui a dit, nous avons pris le sahour avec le messager d'Allah, c'est-à-dire ce repas qui se prend en fin de nuit. Nous avons pris le sahour avec le messager d'Allah, puis il se leva pour la prière du Subh. Anas dit, je demandais à Zayd, combien de temps y avait-il entre l'appel à la prière et le sahur? Il répondit, le temps équivalent à la lecture de 50 versets. Le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Donc, il y a l'un des rapporteurs du hadith, dont nous n'avons pas vu la biographie, qui est Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit, ibn al-Dahhak, l'Ansari, l'Khazraji, radiyallahu anhu. Wulida qabla maqdami al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Madina bi 11 sana. Fautiya bihi ila al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam hina maqdamih. Wa qil hada min bani al-Najjar. Wa qad qara'a 17 sura. Fa qara'tu alayhi fa'ajabahu dhalik. فقال تعلم كتاب يهود فإني ما آمنهم على كتابي ففعلت فما مضى لي نصف شهر حتى حذقته فكنت أكتب إليهم وإذا كتبوا إليه قرأت له. شهد زيد غزوة الخندق وهي أول مغازيه، وقيل شهد غزوة أحد، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم راية بني النجار في غزوة تبوك ممن هي معه، فدفع إلى زيد وقال القرآن مقدم، وتولى قسم غنائم اليرموك، وكان من علماء الصحابة ومن أعلمهم بالفرائض، وكان ممن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له أبو بكر رضي الله عنه: إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. وعهد عثمان بن عفان إليه مع 3 من قريش بجمع القرآن لتوحيده في مصحف واحد. توفي في المدينة سنة 45 رضي الله عنه وارضاه. Donc il y a deux rapporteurs du hadith ici. Il y a Anas ibn Malik. Nous avons déjà vu sa biographie lors de l'étude du livre de la purification. Et il y a aussi Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit, ibn al-Dahhak, l'Ansari al-Khazraji, est né 11 ans avant l'arrivée du prophète alayhi salam à Médine. À l'arrivée du prophète alayhi salam à Médine, on le présenta au prophète alayhi salam en disant au prophète que ce jeune garçon qui était Zayd ibn Thabit fait partie de Banu Najjar. Banu Najjar, c'est une fraction. Banu Najjar, ce sont les oncles maternels du père du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'on l'a présenté à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant, c'est Zayd ibn Thabit, il est de Banu Najjar. Et on dit au prophète alayhi salatu wassalam à ce moment-là que Zayd ibn Thabit avait mémorisé 17 sourates. Zayd a dit, j'ai lu, devant le prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire, il a lu de sa mémoire devant le prophète alayhi salatu wassalam. Et ça a plu au prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète lui a dit, apprends l'écriture des juifs, je ne leur fais pas confiance concernant ma correspondance. Et je me suis exécuté, et en 15 jours, j'ai excellé dans leur écriture et dans leur langue. Regardez, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a donné l'ordre d'apprendre l'hébreu, écriture et langue. Et il a dit, j'ai excellé dans leur langue, en écriture et en lecture, en 15 jours. Et ça, frère en Allah, Azza wa Jalla et sœur en Allah, subhanahu wa ta'ala, ça doit être un exemple pour tous ceux qui se cramponnent à la salafia, et qui se contentent des traductions. Ça doit les booster pour faire prodiguer des efforts à apprendre cette langue arabe. Regardez ce jeune, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, apprends la langue des juifs et leur écriture. En 15 jours, il est arrivé dans le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a excellé cette langue et cette écriture. Il dit, radiyallahu anhu arda, donc j'écrivais au messager pour les juifs. C'est-à-dire, il s'occupait à écrire les lettres du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam qu'il envoyait aux juifs. Et quand les juifs envoient un message au messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam, je le lui lisais, radiyallahu anhu arda. Zayd, radiyallahu anhu arda, ibn Thabit ibn al-Dahhak, a assisté à la bataille des tranchées, le Khandaq. Et on dit que c'est sa première bataille. Il a été dit aussi comme quoi il aurait assisté à la bataille de Houd. Le prophète alayhi salatu wassalam, lors de la bataille de Tabouk, a pris l'étendard de Banu Najjar, de celui qui l'avait dans sa main, et lui a pris, et il l'a donné à Zayd ibn Thabit. Et il a dit alayhi salatu wassalam, le Coran doit être prioritaire, c'est-à-dire, ceux qui ont le Coran, ceux qui, les mémorisateurs du Coran, etc., doivent être prioritaires. On doit les mettre en avant. Zayd s'est occupé à partager le butin de la bataille de l'Yarmouk. Et Zayd était un savant parmi les compagnons, radouanullah alayhim. Et il était celui qui avait le plus de science au niveau de la science de l'héritage. Et il fait partie de ceux qui ont mémorisé le Coran à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam et qui ont ramassé aussi le Coran à l'époque, qui ont réuni le Coran à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Abu Bakr, durant sa khilafa, a dit à Zayd, tu es un jeune doué de raison et qu'on n'accuse de rien du tout, et tu écrivais la révélation pour le messager d'Allah. Cherche le Coran et réunis-le. Uthman radiyallahu anhu arda lui a donné la responsabilité avec trois personnes de Quraysh de constituer le Coran en un seul mushaf. Et Zayd ibn Thabit Dahak est mort à Médine en 45 de l'Hijra radiyallahu anhu arda. Le statut de ce hadith, le sujet de ce hadith montrait le temps du sahur du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, موضوع الحديث بيان وقت سحور النبي صلى الله عليه وسلم. ونأتي إلى شرح الكلمات تسحرنا أكلنا السحور. مع النبي صلى الله عليه وسلم في صحبته ببيته إلى الصلاة أي صلاة الفجر. قال أنس ناقل هذا القول قتادة الذي روى الحديث عن أنس بن مالك بين الأذان أي بين الإقامة سميت أذانا لأنها إعلام بالقيام إلى الصلاة. السحور أي الفراغ من التسحر، قدر 50 أي قدر قراءة 50 آية قراءة متوسطة، آية طائفة مستقلة من القرآن، والمراد آية متوسطة. والشرح الإجمالي قال رحمه الله: لما كان من مقاصد السحور تقوية البدن على الصيام وحفظ نشاطه، كان من الحكمة تأخيره. وها هو أنس بن مالك يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أنه تسحر في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ثم قام إلى الصلاة، ولم يكن بين الصلاة وفراغه من السحور إلا مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية من القرآن متوسطة بقراءة غير سريعة ولا بطيئة. Donc le sujet du hadith montrait le temps du sahur du prophète alayhi wasallam. Le sens général de ce hadith, vu que le but du sahur, c'est-à-dire ce repas qui se prend à la fin de nuit, c'est de donner la force au corps pour le jeûne, et pour préserver la vivacité et la force du corps, il était sage de le retarder. Voilà Anas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, qui rapporte de Zayd ibn Thabit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, qui a Zayd ibn Thabit qui a pris sahour avec le prophète alayhi salam, chez le prophète alayhi salam. Et donc il a pris le sahour avec le prophète alayhi salam, et puis le prophète s'est levé pour la prière, et il n'y avait entre la prière et la fin du sahour que le temps de la lecture de 50 versets du Coran. Dit lecture lente et non rapide. C'est-à-dire la lecture de 50 versets, faut estimer la lecture entre, comme a dit Ibn Hajar rahimahullah et d'autres, entre 5 et 10 minutes. Hein? C'est-à-dire, ils ont terminé le suhoor, 5-10 minutes après, il y a eu, même pas 10 minutes, 5 minutes, hein? Après, il y a eu l'adhan. Le deuxième adhan qui annonce le lever de l'aube véridique. Et regarde ici, tu remarques, regarde comment l'intérêt qu'ils avaient avec le Coran, et le rapport qu'ils avaient avec le Coran, ils ont quoi? Ils mesurent le temps avec, hein, la lecture du Coran, avec le nombre de versets qui se lisent, hein, dit pour une distance 50 versets, 100 versets, etc. Et ça prouve, hein, l'importance, radiyallahu anhu, qui donnait al Coran. قال رحمه الله فوائد الحديث مشروعية السحور وتأخيره. Les leçons du hadith, la première leçon, c'est sahour, il est légiféré, et il est légiféré de le retarder. Il est légiféré de le retarder. الفائدة الثانية أن بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الفجر قدر قراءة 50 آية. La, le deuxième leçon à retenir dans ce hadith, entre le sahur du prophète alayhi salatu wasalam et sa prière, il y a le temps de la lecture de 50 versets. La troisième leçon à retenir, حرص الصحابة على الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم يتعلموا منه. La troisième leçon à retenir, le désir ardent des compagnons d'être en compagnie du prophète alayhi salatu wasalam pour apprendre de lui. La quatrième leçon à retenir, karamun nabi sallallahu alayhi wa sallam wa tawadu'u. On y retient aussi cette quatrième leçon, hein, la générosité du prophète alayhi salatu wasalam et sa modestie, salawatu rabbi wa salamu alayhi. La cinquième leçon à retenir ici, mashru'iyat al-mubadara bi salati al-fajr. Et on y retient aussi cette cinquième leçon de ce hadith, il est légiféré de s'empresser à accomplir la prière du Fajr. Wa nati ila al-hadith al-khamis, عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنهن أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. Et donc le cinquième hadith, qui est le 178e hadith dans le livre de Umdat al-Ahkam, selon Aïcha et Umm Salama, le prophète se trouvait, après l'apparition de l'aube véridique, en état de janaba suite à un rapport avec ses épouses. Il accomplissait ses ablutions majeures et il jeûnait. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Donc les rapporteurs du hadith ici, ce sont Aïcha et Umm Salama, et nous avons vu leur biographie lors de la du livre de la purification. موضوع الحديث حكم صوم من أصبح جنوبا. Le sujet du hadith, le statut du jeûne de celui qui est en état de janaba après l'apparition de l'aube véridique. J'ouvre une parenthèse ici pour qu'il n'y ait pas de confusion. Le statut ici concerne celui qui a eu son rapport avant l'aube, avant l'apparition de l'aube véridique. L'aube est apparue et il est toujours en état de janaba. Il faut savoir que la majorité des savants, parmi lesquels les trois grands imams, à savoir l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, sont d'avis que c'est la personne est dans un rapport charnel avec son épouse et que l'aube apparaît, il doit se retirer. Et il n'a ni à rattraper ce jour, ni à s'acquitter, ni à s'acquitter d'une expiation. Il doit tout de suite se retirer et il n'aura ni à rattraper ce jour, ni à s'acquitter d'une expiation. Mais attention, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, et d'autres disent que celui qui est sûr, celui qui a la certitude et qui est sûr de l'apparition de l'aube et continue son rapport avec sa femme, il doit l'expiation du jour, il doit rattraper le jour et il doit aussi l'expiation de 2 mois. Et si la femme est consentante, la même chose pour elle. Ils doivent tous les deux, si la femme est consentante, ils doivent tous les deux rattraper un jour chacun, plus les 2 mois d'expiation. Et concernant la femme en période des règles ou de l'ushi, la femme en période de règles et de l'ushi qui voit la fin de sa période avant l'apparition de l'aube, jeûne même s'il n'a pas encore fait ses ablutions majeures. Hein, la parole des hommes de science, c'est qu'il doit jeûner même s'il n'a pas encore fait les ablutions majeures. Il faut savoir ici, il faut sortir de la situation de la masse. Hein, faut pas attendre le lever du soleil pour faire ses ablutions majeures. Là, il faut faire ses ablutions majeures pour prier la prière de l'Fajr. Parce que si la femme, ses menstrues, celles-ci sont arrêtées avant l'apparition de l'aube, ça veut dire que le Fajr, il est obligatoire pour elle. Donc il n'a pas à le sortir de sa plage horaire. Même s'il débute, hein, le Fajr arrive, il débute son jeûne sans avoir fait ses ablutions majeures, ce n'est pas un problème. Comme hein, le statut de celui qui débute sa journée, hein, il y a eu l'apparition de l'aube véridique, et lui est en état de janaba. Ce n'est pas un problème. Il faut qu'il fasse tout de suite après, hein, avant le lever du soleil, son roussel, et qu'il prie dans les 2 cas. شرح الكلمات قال رحمه الله كان فعل ماض ناقص وإذا كان خبرها فعلا مضارعا دلت على الاستمرار غالبا يدركه يأتي عليه الفجر بياض الصبح وهو بياض النهار المعترض في الأفق وهو جنب ذو جنابة والجملة حال من الهاء في يدركه والجنابة شرعا كل ما أوجب الغسل من إنزال أو إجماع أو جماع من أهله أي من جماع أهله ومن للسببية والمراد بالأهل الزوجات وتقييده بالجنابة من الأهل لبيان أن تأخيره الغسل عن اختيار منه حيث لم يفاجأ بما يوجب الغسل ثم يغتسل يتطهر من الجنابة بعد طلوع الفجر ويصوم يستمر في صومه الشرح الإجمالي تخبر عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وهما من أمهات المؤمنين ومن أعلم الناس فيما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته تخبران بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع أهله في رمضان ثم يصوم ويطلع الفجر ويطلع الفجر عليه قبل أن يغتسل فيمضي في صومه ولا يقضيه وكان إخبارهما بذلك جوابا لمروان بن الحكم حين بعث إليهما ليسألهما عن ذلك donc le sens général du hadith Aïcha et Umm Salama que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée qui sont les femmes du prophète et les mères des croyants et qui connaissent mieux ce que le prophète fait chez lui, ils ont annoncé que le prophète prenait son plaisir charnel avec ses femmes pendant Ramadan, c'est-à-dire pendant la nuit, avant l'apparition de l'œuvre véridique, et il jeûnait, sallallahu alayhi wa sallam, et faisait ses ablutions majeures après l'apparition de l'œuvre véridique. Il ne rattrapait pas ce jour. Aïcha et Umm Salama ont annoncé cela en réponse à Marwan ibn al-Hakam quand il a été envoyé pour leur poser, pour les interroger à ce sujet. وَنَأْتِي لَا فَوَائِدِ الْحَدِيثِ أَوَّلًا صِحَّةُ صَوْمِ الْجُنُوبُ وَإِلَّا مِيَغْتَسِلِ اللَّهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ Donc on vient aux leçons du hadith. La première leçon, la validité du jeûne de celui qui ne se lave de la janaba qu'une fois que l'aube est apparue. Donc, il est en état de janaba où l'aube est apparue. Il jeûne, son hadith, son jeûne, il est valable. C'est l'acte du prophète alayhi salatu wassalam. Taniyan, annahu la tajibu al-mubadaratu bil-ghusl min al-janaba. On retient aussi de ce hadith qu'il n'est pas obligatoire d'entreprendre tout de suite les ablutions majeures après la janaba. On retient aussi ar-ruju' fi al-'ilm ila man huwa aqrab ihatatan bih. On retient de ce hadith quand on cherche un sujet on va vers ceux qui le cernent, c'est-à-dire ceux qui le connaissent, et qui le cernent et qui le maîtrisent. Rabi'an, jawazu at-tasrih bima yustahya minhu lil-maslaha. La quatrième leçon, la permission de citer les choses duquel on a honte. La cinquième leçon, anna fi'la an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hujja. La cinquième leçon, l'acte du prophète alayhi sallam est une preuve. ونأتي إلى الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه Et on arrive au sixième hadith dans le chapitre du jeûne et le 179e hadith dans le livre de Umdat al-Ahkam. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète a dit « Celui qui mange et boit par oubli doit continuer son jeûne car c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. » Hadith il rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. موضوع الحديث حكم صوم من أكل أو شرب ناسيا. Le sujet du hadith, le statut du jeûne de celui qui mange et boit par oubli. شرح الكلمات من نسي من غاب عن ذهنه وهو صائم الجملة حال من فاعل نسي فليتم فليكمل واللام للأمر. أطعمه الله أي رزقه طعاما أي مأكولا، وسقاه أي رزقه شرابا. والجملة في قوله فإنما أطعمه الله وسقاه تعليلية، ونسب ذلك إلى الله تعالى لأنه حصل بدون قصد من الفاعل. الشرح الإجمالي يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته: يخبر أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصائم الذي ينسى فيأكل ويشرب أن يتم صومه فيستمر فيه، لأنه لم ينقص بذلك حيث وقع بغير اختيار منه، فكأن الله تعالى هو الذي أطعمه وسقاه. وهذا الحكم في الصائم فرض من أفراد القاعدة العظيمة العامة في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. Et donc, le sens général de ce hadith, Abu Huraira, radiyallahu anhu arda, annonce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné à celui qui mange et boit par oubli pendant son jeûne qu'il continue son jeûne, car il n'a pas été diminué par cela, car il ne l'a pas fait volontairement. C'est comme si c'est Allah qui l'a nourri ou abreuvé. Et ce statut du jeûneur est un cas, et ce statut du jeûneur qui boit et qui mange par oubli est un cas parmi les cas qui rentrent dans le noble, dans la noble grande règle qui est déduite de ce verset qu'a cité Cheikh Rahimahullah dans la traduction approximative du sens du verset. Nous dit ceci: Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Et il dit: Qad fa'alt, j'ai fait, c'est fait. Donc, l'oubli et l'erreur, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné à cette communauté. ونأتي إلى الفوائد، فوائد في هذا الحديث. أولا، أن الصوم لا يبطل بالأكل والشرب نسيانا، ويقاس عليه ما بقية المفطرات. للصوار retenir de ce hadith: premièrement, le fait de manger et de boire par oubli n'annule pas le jeûne, et l'analogie est faite pour tous les annulatifs du jeûne qui se commettent par oubli. Hein? Le fait de manger et de boire par oubli n'annule pas le jeûne, et l'analogie se fait pour tous les annulatifs du jeûne. Hein? C'est-à-dire que si ces annulatifs sont accomplis par oubli, la personne va continuer sa journée, ikhlas, comme celui qui a mangé et qui a bu. ثانيا الصوم لا ينقص بالأكل والشرب نسيانا لقوله فليتم. La deuxième leçon, c'est que le jeûne ne diminue pas par le fait d'avoir mangé et bu par oubli. Il ne diminue pas. ثالثا أن عمل الناس لا ينسب إليه شرعا لوقوعه بغير قصد منه. Troisième leçon à retenir, l'acte fait par oubli ne s'attribue pas à celui qui l'a fait, car il l'a fait involontairement. Hein? الفائدة الرابعة سعة رحمة الله تعالى بعفوه عن الناس. La quatrième leçon, l'immensité de la miséricorde d'Allah en pardonnant les gens. Cela nous prouve la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ne prend pas à rigueur et qu'il ne châtie pas ceux qui ont fait quelque chose par erreur et par oubli. الخامس الفائدة الخامسة أن من فعل في عبادته مبطلا معفوا عنه فهو مأمور بالمضي في عبادته وجوبا إن كانت واجبة واستحبابا إن كانت تطوعا. La cinquième leçon à retenir, celui qui fait un annulatif dans son adoration de manière excusable, il est, que ce soit que cette adoration soit obligatoire, qu'il la continue, ou que l'adoration soit du domaine surrogatoire, qu'il la continue aussi. Donc, celui qui fait un annulatif dans son adoration de manière excusable, il est obligatoire qu'il continue cette adoration. Que cette adoration soit obligatoire ou surrogatoire, la même chose. Et on regarde ce qui est marqué en bas de la page ici. فَمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَصِيَامُهُ صَحِيحٌ وَسَوَاءً كَانَ فِي الْفَرْضِ أَوْ النَّفْلِ وَهَذَا خِلَافٌ مَنْ انْتَشَرَ بَيْنَ النَّاسِ أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرِبُ نَاسِيًا أَفْطَرَ ولا يحق له إتمام صومه وهذا باطل لهذا الحديث وعليه إتمام صومه وصومه صحيح نفلا كان أم فرضا. Et donc, en bas de page, il y a cette remarque. Le jeûneur qui mange et boit par oubli en état de jeûne, il doit continuer son jeûne. Que le jeûne soit un jeûne obligatoire ou surrogatoire. Et cette parole chez la masse qui dit qu'il n'a pas à continuer son jeûne est fausse. Et cette parole est en contradiction avec ce hadith. Donc, il a mangé au but par oubli, il continue son jeûne, ikhlas, il n'a même pas à le rattraper. وكذلك انتشر بين الناس عدم تسوق استخدام السواك بعد الظهر في حال الصيام وهذا كذلك خطأ والصحيح هو جواز التسوق في كل وقت وهذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام رضي الله عنهم وننبه على أن السواك الذي فيه مادة أخرى كبعض النكهات التي تضاف إليه في هذه الأيام وغالبا ما يكون مغلفا من بعض الشركات التي تضيف إليها هذه المواد نقول على المتسوق في حال الصيام أن يبصق هذه المواد بعد التسوق ولا يبلعها لأن هذه المواد تفطر الصائم. Et aussi dans cette bas de page tire l'attention sur, il est propagé chez les gens qu'on n'a pas le droit d'utiliser siwak après dhohr. Une fois que l'heure dhohr est arrivée, on n'a plus le droit d'utiliser siwak pendant l'état de jeûne. Et ceci est faux. La parole juste, c'est qu'il est permis d'utiliser siwak. C'est ce que faisait le messager alayhi salatu salam et ses nobles compagnons radouanullah alayhim. Et les hommes de science disent même que la personne peut se brosser les dents, mais il faut faire attention de ne pas avaler le produit. Et les savants attirent l'attention sur les siwaks qu'on trouve maintenant, qui sont enveloppés d'une du plastique et qui sont imbibés de certains goûts, comme le goût de la menthe ou autre. Celui qui utilise ce genre de siwak qui est imbibé d'un goût, ne doit pas l'avaler, mais doit le cracher, car ces matières avec lesquelles est imbibé siwak, annulent le jeûne, font partie des annulatifs du jeûne. Et cela, Allah subhanahu wa ta'ala sait. ونأتي إلى الحديث السابع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما أهلكك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم وفي رواية أصبت أهلي في رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. إذن voici un noble hadith de notre message عليه الصلاة والسلام، qui est le 7e hadith dans le chapitre du jeûne et qui est le 181e hadith dans le livre de Umdat al-Ahkam. Selon Abu Huraira qui dit, alors que nous étions assis avec le prophète alayhi salatu wassalam, un homme arrive et dit au prophète alayhi salatu wassalam, je suis détruit, j'ai péri, ô messager d'Allah. Et le messager d'Allah lui a dit, qu'est-ce qui t'a détruit? Il a dit, j'ai eu des relations charnelles avec mon épouse durant le mois de Ramadan, c'est-à-dire durant la journée de Ramadan. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu as un esclave à affranchir? L'homme a dit non. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, peux-tu jeûner 2 mois consécutifs? L'homme a dit non. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, as-tu de quoi nourrir 60 pauvres? L'homme a dit non. L'homme s'assit et on apporta au prophète alayhi salatu wassalam un panier contenant des dattes. Le prophète dit à l'homme alors, en lui donnant ce panier, donne cela, va donner cela en aumône, c'est-à-dire pour expier ton acte. L'homme répondit, à plus pauvre que nous, il n'y a pas aux alentours de Médine qui en ait plus besoin que la nôtre. Il lui dit, il lui montre, il lui dit à Rasulallah, je vais le donner à plus pauvre. Il n'y a pas plus pauvre que nous, que moi et ma famille, dans Médine. Le prophète rit, au point que l'on voit Sikanine, alayhi salatu wassalam, puis il dit à l'homme, va nourrissons ta famille. Le hadith il est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Donc le rapporteur du hadith, nous avons vu sa biographie, radiyallahu anhu arda, dans le livre de la purification. موضوع الحديث حكم جماع الصائم في نهار رمضان. Donc le sujet du hadith, le statut de celui qui a eu une relation charnelle durant la journée de Ramadan. شرح الكلمات بينما بين ظرف زمان عامله محذوف أو ما بعد إذ وما كافة حرف مفاجأة رجل غير معروف هلكت أي وقعت في الإثم الذي يهلكني والهلاك الموت ما أهلكك ما اسم استفهام وقعت على امرأتي أي جامعت زوجتي وأنا صائم الجملة حال من التاء في وقعت أصبت أهلي في رمضان جامعت زوجتي في نهار رمضان تجد تدرك رقبة أي قيمة رقبة وهي العبد أو الأمة تعتقها تحررها من الرق تستطيع تقدر متتابعين متواليين لا فطر فيهما مسكينا فقيرا لا يجد كفايته وكفاية عائلته فمكتا فبقي زمانا بين ظرف زمان عامله قوله أتي والألف فيها للإشباع أتي بضم الهمزة مبنيا للمجهول والآتي رجل من الأنصار بعرق بفتح العين والراء وهو الزنبيل والعرق المكتل هذا من تفسير بعض الرواة فيه تمر لم يبين مقداره في الصحيحين لكن ورد في طرق أخرى أنه نحو 15 صاعا هذا أي التمر الذي أتي به فتصدق أطعمه المساكين عنك على أفقر متعلق بمحذوف تقديره أتصدق به والجملة استفهامية حذفت منها الهمزة والتقدير أتصدق به والفقر خلو اليد من المال الذي تحصل به الكفاية ما بين وسط وما نافية لابتيها أي لابتي المدينة وهما حرتاها الشرقية شرقي البقيع وتسمى حرة راقم والغربية غربي سلع وتسمى حرة الوبرة والحرة أرض تعلوها حجارة سود بدت ظهرت أنيابه جمع ناب وهي السن التي خلف الرباعي أطعمه أمر أطعمه أمر بمعنى الإباحة. الشرح الإجمالي يقص أبو هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كعادة في الجلوس عنده للتعلم منه والأنس به، فبينما هم كذلك إذ أتى رجل قد عرف أنه هالك بما فعل من ذنب يريد الخلاص منه، فقال يا رسول الله هلكت، وحينئذ سأله صلى الله عليه وسلم عن السبب، فأجاب الرجل بأنه جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم، فلم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء تائبا يريد الخلاص مما وقع فيه، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه الخلاص، فسأله هل يجد رقبة يعتقها لتكون كفارة له، فأجاب الرجل بالنفي، فسأله هل يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين لا يتخللهما فطر، فأجابه الرجل بالنفي، فانتقل به إلى المرحلة الثالثة الأخيرة، فسأله هل يجد إطعام 60 مسكينا، فأجابه بالنفي أيضا، ثم جلس. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من الأنصار بزنبيل فيه تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل السائل خذ هذا فتصدق به، يعني عن الكفارة التي عليه، ولكن لفقر هذا الرجل وعلمه بكرم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته لليسر على أمته طمع فقال أعلى أفقر مني، وأقسم أنه لا يوجد بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيته، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من حال هذا الرجل الذي جاء خائفا يطلب الخلاص، فلما حصل له انقلب راغبا بطلب النوال، فأذن له من جبله الله على مكارم الأخلاق أن يطعمه أهله، لأن سداد الحاجة قبل الكفارة. Et donc le sens général de ce hadith, Abu Huraira, qu'Allah subhanahu wa ta'ala raconte qu'alors qu'ils étaient assis autour du prophète alayhi salam comme d'habitude pour être en sa compagnie et pour apprendre de lui, un homme qui est su qu'il a péri par le péché qu'il a commis est arrivé pour savoir comment se repentir de ce qu'il a fait et comment remédier à ce qu'il a fait, et il a dit: ô messager d'Allah, j'ai péri. Le messager l'interrogea sur la cause. L'homme répondit qu'il a eu un rapport charnel avec son épouse en plein Ramadan, alors qu'il était en état de jeûne. Le messager ne l'a pas admonestré, car il est venu repentant, voulant savoir comment s'acquitter de ce qu'il a fait. Le messager, alayhi salatu wassalam, lui a dit: est-ce que tu as un esclave à affranchir pour que... Est-ce que tu as un esclave à affranchir pour que ça lui soit une expiation? L'homme a répondu que non. Le prophète lui a demandé: est-ce que tu peux jeûner 2 mois consécutifs sans interruption? L'homme a dit non. Et le prophète est passé à la 3e étape. Et dernière, est-ce que tu peux nourrir 60 mendiants? L'homme a dit non. Et puis l'homme s'est assis, et le prophète est resté un laps de temps, et un homme parmi l'Ansar a ramené un panier plein de dattes. Et le messager a dit à l'homme qui l'a interrogé sur sa situation: prends ça et va le donner en aumône, c'est-à-dire comme expiation de ton acte. Mais cet homme était très pauvre. Il connaît la générosité du prophète alayhi salatu wassalam. Il sait que le prophète alayhi salatu wassalam cherche toujours la facilité et l'aisance pour sa communauté. L'homme veut le palier de date pour lui et pour sa famille. En disant à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, à plus pauvre que nous, est-ce que je vais aller le donner à plus pauvre que nous? Ça veut dire qu'il n'y a pas plus pauvre que nous à Médine. Et ce noble compagnon a fait le serment qu'il n'y avait pas plus pauvre que dans les alentours de Médine. Le prophète, par étonnement de la situation de cet homme, a ri. L'homme avait peur en arrivant, il cherchait comment s'en sortir, et quand il a eu le moyen pour s'en sortir, il a désiré l'utiliser pour lui-même. Et celui qu'Allah a doté du plus noble comportement, l'a autorisé de le garder comme nourriture pour sa famille, car combler le besoin passe avant l'expiation. Combler son besoin passe avant l'expiation. ونأتي إلى فوائد الحديث عظم الإثم في جماع الصائم في نهار رمضان. Bon, la première des leçons à retenir dans ce hadith, le rapport charnel commis par le jeûneur en pleine journée de Ramadan compte parmi les plus grandes turpitudes. ثانيا وجوب أغلط الكفارات في جماع الصائم في نهار رمضان. Deuxième leçon, il est obligatoire de s'acquitter de la plus grande des expiations concernant cet acte. La plus grande des expiations. La troisième leçon à retenir, les expiations sont de 3 degrés. Et on passe d'un degré à un autre quand on ne peut pas. Quand on ne peut pas un degré, on passe au deuxième. Quand on ne peut pas le premier, on passe au deuxième. Et après, quand on ne peut pas le deuxième, on passe au troisième. Et donc, donc le premier degré et la première expiation de laquelle doit s'acquitter le jeûneur, c'est le fait d'affranchir un esclave. Et s'il ne trouve pas à ce moment-là, il passe à la deuxième étape, qui est le fait de jeûner 2 mois consécutifs. Et s'il en est incapable, ben il passe à la troisième étape, qui est le fait de nourrir 60 mendiants. La quatrième leçon, أن الكفارة لا تسقط بالعجز عنها إن قدر عليها قريبا. La quatrième leçon à retenir ici, l'expiation ne disparaît pas en raison de l'insolvabilité ou de l'incapacité de l'individu s'il peut s'en acquitter dans un proche avenir. Les savants disent, car le hadith n'indique pas que l'expiation cesse, et le principe de base, c'est qu'il la doit toujours, il doit s'en acquitter. Et sur ce point, il y a une divergence entre les hommes de science. الدرس الخامس والفائدة الخامسة أن سد الحاجة مقدم على الكفارة. La cinquième leçon à retenir de ce hadith, le fait de combler son besoin passe avant l'expiation de l'acte. الدرس السادس سهولة الشريعة الإسلامية بمراعاة حال المكلف وعدم إلزامه بما لا يستطيع. La sixième leçon, l'aisance et les facilités et la facilité de cette législation musulmane. Il prend en considération les situations des pubères qui doivent s'acquitter de quelque chose. Il ne leur impose pas ce qu'ils ne peuvent pas faire et ce qui n'est pas dans leur capacité. La septième leçon, annahu la yu'annafu man adnaba dhanban thumma ja'a ta'iban min. La septième leçon à retenir, on n'administre pas celui qui a commis un péché et qui vient se repentir de ce qu'il a commis. Hein? Il n'y a pas lieu à l'admonestrer. Regardez le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a rien dit. Hein? كذلك الفائدة الثامنة جواز الحلف وإن لم يطلب منه. La huitième leçon, il est permis de jurer même si on ne lui a pas demandé de le faire, comme il a fait ce noble compagnon رضي الله عليه. تاسعا جواز الحلف على ما يغلب على ظنه. La neuvième leçon, la permission de faire, de jurer sur la prédominance de la pensée. Sur la prédominance de sa pensée. Cet homme a pensé que il était, hein, qu'il n'y a pas plus pauvre que lui à Médine. Donc il a juré sur ça. Ashiran, jawazu wasf al-insan nafsahu bi shiddati al-faqr idha kana sadiqan wa lam yaqsud at-tasakhkhut min qadar Allah. La dixième leçon à retenir, il est permis à la personne de dire qu'il est dans une grande pauvreté s'il est véridique et s'il ne se lamente pas du destin d'Allah. الفائدة الحادية عشر حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ورحابة صدره. La onzième leçon à retenir ici, le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a la largesse de son cœur et de sa poitrine et de son esprit pour ses compagnons de Allah alayhim. Et pour ceux qui viennent le voir, le questionner ou autre. الفائدة الثانية عشر حرص الصحابة على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم ليكتسبوا منه علما وأخلاقا ويأنسوا به. La douzième leçon, le désir ardent des compagnons, Ridwanullah alayhim, d'être en compagnie du prophète alayhi salam, pour apprendre de lui la science et apprendre de lui le comportement pour le prendre comme modèle et faire comme il fait, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? D'où l'obligation de les suivre dans tout et de les imiter et de prendre le chemin qu'ils ont pris, Ridwanullah alayhim. Et on arrête là, inshallah, pour cette séance. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim. Wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barak Allahu fikum. Wa ahsan Allahu lakum. Jazakum Allahu khairan.